mais je connais celui de l'hôtel. Je laisse les faibles en queue de cortège. Kevlar, même si tu me protèges. Ils m'enlèveront pas le poids de la bouche. Ça éclabousse. Je me définis comme un mec de rue. Qui a bien trop de talent pour rester dans la rue. Yeah. Je dois me barrer du lit, ne pleure pas chérie. T'as même pas idée du combat qu'on mène. Moi je suis venu au monde pour inspirer ceux qui visent le sommet dans leur domaine. Je suis sorti du lit, j'ai pris du khalis, planqué le calibre, je suis parti en guerre, chantant à tue-tête. La la la la la la la la la. J'ai charbonné toute l'année, je vais faire du le ça tout l'été. Faire péter, chardonner, faux refrains veulent m'arrêter. Vais-je pardonner? Où sont mes frères? Jeunesse gâchée au checks, on a grandi dans le ghetto. Midi, minuit dans le Benz, on fait le bénéf du bénéf. Plané comme l'avion de Pablo. Dis-moi qui osera nous tester, on manie les armes de l'Est. Les histoires s'enchaînent, pourquoi veux-tu qu'on freine? Les rêves grandissent, ça freine. Y'a que l'argent dans ma tête, y'a des plafonds à faire pour ça qu'on se lève tôt. Mafiosa, midi dans le ghetto. Maman, prie pour moi, j'prie pour mes ennemis. Redétaille la mort pour embellir nos vies. Maman, prie pour moi, j'prie pour mes ennemis. Redétaille la mort pour embellir nos vies. On viendra chez eux comme la Gestapo. Comme Escobar, comme El Chapo. Mafiosa, midi dans le ghetto. Mafiosa, midi dans le ghetto. Mafiosa, midi dans le ghetto. Chez nous ça parle pas, mafiosa. Le pétard sous le ciel, la testarossa. Si les cons dépassent ma porte, je paierai pas la note. J'suis déjà dans mon jet comme Escobar. Marre des bobards, faut qu'on s'évade. On fait du sale comme dans les rues de Bogota. Comme Gustavo, Gaviria, Kayate la Boca. Maman prie pour moi, j'prie pour mes ennemis. Redétaille la mort pour embellir nos vies. Maman prie pour moi, j'prie pour mes ennemis. Redétaille la mort pour embellir nos vies. Viendra chez eux comme la Gestapo. Comme Escobar, comme El Chapo. Mafiosa, midi dans le ghetto. Mafiosa, midi dans le ghetto. Mafiosa, midi dans le ghetto. Mafiosa, tellement que le produit fait effet. T'es devenu accro à ma substance. Que des numéros 10 sur le raté. On a la frappe, on a la puissance. Mamacita, mamacita. Je mène une vie de mafiosa. Je veux construire mon propre habitat. Et pas quitter cette vie d'aloca. Parano comme Montana. J'ai les mains faites pour l'or, je suis gourmand, je suis un hasard. Et je vais tout niquer sous mon passage. Eh oh, hombre, qu'est pas ça. Maman, prie pour moi, je prie pour mes ennemis. Redétaille la mort pour embellir nos vies. Maman, prie pour moi, je prie pour mes ennemis. Redétaille la mort pour embellir nos vies. Ils veulent mon wari, ils veulent ma peau. On viendra chez eux comme la Gestapo. Comme Escobar, comme El Chapo. Mafiosa, midi dans le ghetto. Maman prie pour moi, j'prie pour mes ennemis. Redétaille la mort pour embellir nos vies. Maman prie pour moi, j'prie pour mes ennemis. Redétaille la mort pour embellir nos vies. Ils veulent mon wari, ils veulent ma peau. On viendra chez eux comme la Gestapo. Comme Escobar, comme El Chapo. Mafiosa, midi dans le ghetto. Mafiosa, midi dans le ghetto. Ils veulent mon wari. Joe S, dans tes fesses. Yeah. Clop, clop, j'ai pack, pack, pute, pute, à 4 pattes. À 25ème, mon pote. Snap, chat, snap, schneck ou snap, app, beat, beat, de black, black, clap, clap. Sur ok, clip, ok. Clash, crash, dans surf, surf, maillot sur un plat de pâte. SHAO, Junes. Parce que je suis chez WAM, mais je suis le monde. C'est le lancement des bails. Passe un micro que je montre que le RAP. Bon, on connaît pas tout encore. On essaye un petit peu. On teste un petit peu les mics. Tu m'entends encore? Ah, parfait. Si, si, si, si, si, si, si. Je suis enfin à l'antenne. Ok les mecs, ce soir c'est le lancement. C'est le lancement. La 25ème yeah. Émission par nous, pour nous. Chao, Junes. Tous les jeudis soirs de 22h à minuit. Donc on a... on est arrivé comme ça un petit peu les mains dans les poches. On tâte un petit peu les boutons. Donc, vous voulez vous prévenir d'avance, peut-être qu'il va y avoir quelques loupés, peut-être qu'on va appuyer sur le mauvais bouton, on va faire péter la ville, tu vois ce que je veux dire. Mais tranquille, tranquille, on est là pour apprendre aussi. Yes, yes, yes, yes. Donc, la 25ème, pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'on va faire. En gros, la 25ème, c'est quoi? C'est l'émission du hip-hop, l'émission des cultures urbaines. Excuse-moi, tu m'as dit quoi, Maga? Non, non, non, c'est bien. Je t'écoute, okay, okay, okay. Je t'écoute. Présente-nous, présente-nous ça, gros. 25ème, c'est les cultures urbaines à l'honneur. Que tu sois un artiste, que ce soit musical, de la danse, graphisme. Ok, je vais baisser le son. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans la danse, que tu sois un graffeur, tout ce qui tourne autour du hip-hop, t'es le bienvenu, tu vois ce que je veux dire. Tous les jeudis soirs, on sera là de 22h à minuit, on vous fera péter du son. Nous, on aura des petites rubriques, on va parler du rap à l'échelle internationale, nationale et surtout locale. Yes. Parce qu'on considère que ça fait... ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas d'émission pour nous, entre guillemets, les rappeurs d'ici. Et maintenant, c'est notre heure, tu vois, c'est la 25ème heure. L'heure a sonné, l'heure a sonné. L'heure a sonné, c'est ce que je veux dire. La 25ème heure, c'est l'heure dans laquelle tout peut se passer. Tout peut se passer, notamment on peut découvrir de nouveaux artistes, des talents locaux. Vraiment, le but, c'est de... c'est de sortir quelque chose de Besançon, quoi, ta Franche-Comté. Parce qu'on a tellement de talent ici. Yes, yes, yes, yes, yes. Bon, vu que c'est notre première, vu que on n'est pas trop encore habitué à parler au micro de la radio comme ça, on va vous balancer un petit peu de son. Donc j'ai envie de partir directement dans du rap. Le son, il s'appelle Drive By. Il est sur 93 Empire. Pour ceux qui savent rouler. Yeah. Hein. Je suis dans le respect, les plus, tu les festins, le reste m'intéresse. Comme un match entre Metz et Brest, nous c'est Mercedes. Et Mercedes, j'ai son camp, tu es percé, je suis vers Genève. Hey. Dans les parages, c'est que c'est pas rare, j'ai plus le salade dans les balances. Je suis sur une autre cadence, j'ai les phalanges ensanglantées. Je suis du bon côté de la cala, je suis en scooter, fils de pute, mais je viens de me racheter un garage. J'ai le sens des priorités, débité, vider le stock. Préfère me faire niquer par le proc que de mettre une influence sans cloque. Chin chin, voilà les shots. Garçon, ramène des clopes. Patron, ramène des putes. Pardon, ramène tes potes, qu'on les bute, hein. Ah ouais, elle a changé l'époque. Là, je m'en fais plein des nouveaux potes. Paraître que je les éclate alors que je sors tout le temps les mêmes blagues. Ouais, on sort plus dans les mêmes boîtes, c'est plus les mêmes tours à la table. Je sais pas si c'est moi ou bien le Jack, mais j'ai cru voir passer le diable. Hey, back on life, boy. Tu veux jouer en attaque, tu ne sais pas faire les créneaux. Pourquoi tu veux rouler en gamos, tu ne sais pas faire les créneaux. Pourquoi tu veux jouer en attaque, tu ne sais pas faire les créneaux. Pourquoi tu veux rouler en gamos, tu ne sais pas faire les créneaux. Salem, l'imbèce, magnifique, je suis tout en vivier. Je te baisse, gens qui direct ma bitch est en dièse. Dans tout genre de dièse, si je veux, je rentre dans le Guinness. Pourquoi t'es moudi, je me tais comme Robert Pires. Augmente la basse, s'il te plaît. Augmente la basse, s'il te plaît. Tout Paris te connaît. Parle pas de chasse, te appelle le baveux. Tac tac, c'est pas midi à la porte, c'est les bacs. Vrai négro, j'suis comme ma quelle. J'prends ces rappeurs à la quelle. Sarah, silencieux. Le succès fait des envieux. Lâche mi-e, c'est qu'au phare qui fume des dix-e. Maman m'a dit qu'avant les gens s'aimaient vraiment. C'est pas le rap, c'est la vie qui était mieux avant. Les problèmes nous font passer du rire aux larmes. Alors parfois on rigole même en pleurant. Pour l'instant je travaille mon flot de tonnerre. Cherche l'inspire dans le jardin de Claude Monet. J'sors que la nuit comme Ibu. J'suis du 9-3 comme Bigou. Back on drive boy. Back on drive boy. Back on drive boy. Back on drive boy. Back on drive boy. Pourquoi tu veux jouer en attaque? Tu ne sais pas faire les pénaux. Pourquoi tu veux rouler en gamos? Tu ne sais pas faire les créneaux. Pourquoi tu veux jouer en attaque? Tu ne sais pas faire les pénaux. Pourquoi tu veux rouler en gamos? Tu ne sais pas faire les créneaux. J'ai le Glock qui tousse, genre MCMC. J'suis docteur dans le hood, j'tiens une pharmacie. Des patients tous les jours, je perds dans le bloc la nuit. Le temps annonce la foudre, c'est cartel de Cali. Tu parles de qui, tu parles de quoi, tu parles de nous. J'ai pas le temps de 20 minutes, on battez-vous. Tu marques au nous sur la cagoule, la lotte c'est rouge. C'était ton pote, on t'a retenu, on bat les couilles. Hala hala hala gang, j'ai l'équipe déterre. J'ai vu certains dans le bank, j'ai croisé ma mère. Sur la tête des gosses, que c'est pas la même. Sur la tête mon Glock, que c'est pas la même. Tentative de kidnapping. On t'a rappé, fils de pute. Des millions sur le parking. Parking, c'est 93, recule, recule. Pas de paintball, que des bastos. Pas de cotton, dans l'effectif. MVP, dans la bibi. J'ai tout vu, j'ai rien dit. La star du All 93. Plus rapide que la fibre, oui, t'es servi. L'empire contre-attaque avec l'ennemi. So, on est fini. Back on drive, boy. Back on drive, boy. Back on drive, boy. Pourquoi tu veux jouer en attaque? Tu ne sais pas faire les pénaux. Pourquoi tu veux rouler en gamos? Tu ne sais pas faire les créneaux. Pourquoi tu veux jouer en attaque? Tu ne sais pas faire les pénaux. Pourquoi tu veux rouler en gamos? Tu ne sais pas faire les créneaux. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ok, ok. Bon, je crois que Jounès, t'avais une petite question. C'était ouais. Quoi les bails? Allume mon micro. Ah, là, déjà, on m'entend. Parce que nous, on est mal polis, on vient, on prend l'antenne, on se présente même pas. Donc moi, la question que je te pose, Chao, présente-toi pour les auditeurs de Radio Sud. Qui es-tu? Ok. Donc, bon, bah moi, c'est Chao, alias l'île Shaolin, à l'époque. Ouais. Pour les petits ou pour les plus anciens, je fais du rap depuis que j'ai 14 piges. Et puis, bah on va dire que le son référence à l'époque, c'était 25 000 km/h. Mm-hmm. On avait fait un gros clip, on avait balancé ça sur Internet. Mm-hmm. Et en fait, on n'était pas prêts, ça avait pété. C'était l'un des premiers clips sur Besançon, carrément, non? Bah, y avait, je sais pas si c'était l'un des premiers clips, mais c'était un clip qui fédérait un petit peu, tu vois. J'avais essayé de ramener un maximum de gens. Mmh. On avait fait ça en mode vraiment à l'impro, tu vois. Mmh. On y était allé comme ça. Et puis voilà, en fait, ça a pris. Comme on dit, la mayonnaise a pris. Et après, voilà, hein, aujourd'hui, on a plus de 300 000 vues sur YouTube. Sur le clip 25 000 km/h ? Ouais. Ah, pas mal, ça. Ah, moi, des fois, je suis surpris, tu vois, quand je passe, je vois ça, je dis « Ouh !» Aujourd'hui, si je fais un clip, j'ai 500 vues, je suis content, tu vois. Ah, ouais, c'est... Ouais, ouais. Voilà, voilà. Donc maintenant, c'est Chao. Je fais partie du 25 Bunker, qui est un collectif rap bisontin depuis des années aussi. On était une quinzaine, tu vois. Après, il y en a qui rappent, il y en a qui rappent plus ou moins actifs. Il y en a, voilà, ils ont des enfants, ils ont des vies de famille. Tu connais ? Oh, je connais. Et puis là, depuis quelques années, je fais partie du Mekong Soul, qui est un collectif rap de jeunes rappeurs asiatiques d'Asie du Sud-Est. Et la plupart sont de la banlieue parisienne. Et moi, je suis le seul d'ici, en fait. Okay. Donc, voilà. Encore actif C'est quoi tes derniers projets, tes projets à venir Mes derniers projets, ben, j'ai pas trop sorti de projet en fait. Là, j'ai décidé de balancer en fait 3 projets là cette année. Mm-hmm. Donc, est-ce que j'en parle maintenant ou est-ce que j'attends un petit peu avant de... Oh, bah, tu... Non, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a 3 projets qui vont arriver très vite, okay. qui sont faits. Ouais, on va dire qu'il y en a 2 qui sont déjà prêts. Ouais. Et puis, il y en a un 3e qui est en finalisation, on va dire. Donc, voilà, ça va arriver. Il y en a, tu vois, il y a des sons qui dorment depuis des années. J'ai décidé de dire, allez, vas-y, on va tourner la page, on va sortir ça. Comme ça, ça s'est fait. Et puis là, pour ceux qui me suivent un petit peu sur ma chaîne YouTube, Chao Officiel, bah, je suis sur une série de freestyle, hashtag. Et voilà, là, je vais sortir aussi un projet, hashtag, okay. qui regroupera un peu tous les freestyles que j'ai fait, tous ceux que j'ai pas encore clippés, tout ça, tu vois. Ok. Et du coup, pourquoi du coup la radio ? Et pourquoi surtout la 25e ? Pour toi, ça veut dire quoi, la 25e, cette émission qu'on va co-présenter ensemble, co-animer, pardon ? Alors déjà, tu vois, on a cherché longtemps. On a cherché longtemps le blast déjà de l'émission. Tu vois, on était parti sur plusieurs trucs. Bon, il y avait des blasts qui étaient déjà pris, comme la boucle, par exemple. Ouais, bon, vas-y, du coup, on a... Planète Rap aussi, c'était déjà Planète pris. Planète Rap, c'était déjà pris, au calme, tout ça. Bon, ouais, on a laissé ça. Vas-y. Tu vois. Non, pour être plus sérieux, la 25e heure, on est parti sur des délires comme ça, la 25e heure, le 25e art, la 25e avenue, tu vois. En référence à la 8e. Ouais, vas-y, la 8e avenue. Ah, ça, c'est sacré. Non, voilà, nous, c'était, on avait, enfin, en tout cas, moi, j'avais à cœur de faire une émission 100% Besac. On est des locaux, ouais, on a ouais. toujours représenté, enfin voilà, moi j'ai toujours représenté ma ville, mon coin, mon petit terrier, tu vois. Ouais, et ouais, ouais. je pense qu'ici, on a aussi beaucoup d'artistes, beaucoup de gars qui sont là et qui ont envie d'avoir une émission pour eux. Yes. Donc cette émission, elle sera faite pour ça. Ok, pas mal. Et les auditeurs te connaissent un peu plus ? Enfin, connaissent un peu plus leur animateur du jeudi soir. Mais toi, je sais pas s'ils te connaissent, toi. Ha ! Moi ? Ah, bizarre. Interview retournée, retournement de situation. Donc, qui es-tu, Younes ? Moi, Younes, mon blaze, c'est Younes. Je suis un citoyen lambda de Besançon. Mm-hmm. J'ai été, entre guillemets, dans le rap depuis 2006 jusqu'à 2014. Ouais. J'ai été voilà, hein, dans le 25 Bunker, hein, comme dans l'école du 25 Bunker. Si, si. On était des Pokémon, hein, attrapez-les tous. Si, si. Et puis, qui je suis Est-ce que tu es encore actif ? Est-ce que tu fais encore non, des trucs ? Non. Maintenant, je suis passé du côté auditeur. Maintenant, j'écoute. Je préfère écouter et regarder les nouveaux talents. Parce que je pense qu'il faut des fois, il faut laisser la place. Tu vois. C'est quand il y a des personnes qui font des choses mieux, il faut laisser, il faut se pousser. Puis là, du coup, le but, c'est d'essayer de donner de la force. C'est un menteur. Le but, c'est d'essayer de donner de la force aux jeunes qui sont là, aux nouveaux. Et puis d'essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'essayer de faire un truc qui part de Besançon. Parce que c'est dommage, il y a trop de talent ici. Puis ça part pas. Quoi. Donc voilà, quoi. Le but, c'est de monter un truc d'ici puis faire ça correctement. Yes. Par nous, pour nous. Si. Donc, voilà. Je suis d'accord. Ok. Donc, bon, ben, ce sera... Voilà, vous allez apprendre à nous connaître. Vous allez apprendre un petit peu au fur et à mesure qui on est, comment on fonctionne. Yeah. Nous, on vient un peu en tatillon. On n'a jamais fait d'émission radio, je tiens à le préciser. Voilà, donc on essaie d'animer avec nos moyens. Yes. Donc vous êtes toujours dans la 25e, tous les jeudis, 22h minuit, l'émission de Chao et Younes. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bon, vas-y, je vais vous balancer un petit son. Némir, Stress, on va essayer un petit peu On va essayer un petit peu de se détendre tranquillement. Le tempérament est sanguin, je raconte des histoires sans fin. Je suis meilleur que ceux qui font rien. Viens, mais d'abord dis-moi combien. Clope sur clope, c'est le stress. Je m'appare du gâteau, le steak. Il est l'heure, ça fait ding-dong. Je danse du fou comme le steak. Clope sur clope, c'est le stress. Je m'appare du gâteau, le steak. Il est l'heure, ça fait ding-dong. Ding-dong. J'ai tardé, les plus jeunes m'appellent l'ancien. Qu'important que ça rend bien. Toi tu y vas, moi j'en viens. Clope sur clope, c'est le stress. Je m'appelle du gâteau, le steak. Et j'ai l'air, ça fait ding-dong. Je danse sur comme les steaks. Clope sur clope, c'est le stress. Je m'appelle du gâteau, le steak. Et j'ai l'air, ça fait ding-dong. Ça vient. On se fait pas tout seul sans lien. On m'a dit reste toi-même, ne change rien. Je me pose, réfléchis, plein de questions, genre à quoi sert la vie quand la raison dort? On comprend les paroles quand l'artiste est mort. Puis je regarde les miens, je me dois de rester fort. Je saute, je grimpe, je prends des coups. Ma mère me dit vas-y à fond et puis c'est tout. Ok, j'écoute, je prends mes sous, car dans le liquide on peut nager dans le bonheur fou. On s'en rend jamais compte de la puissance des mots. Tu peux changer une ville éloignée d'un trou. Tu veux du spectacle, on a tout ce qu'il faut. Enzo, Nem s'occupe de la vibe du coup. Dance, yeah. Souris au futur et no stress. Damn, yeah. Némir attend mon couplet, donc je me le presse. Vous êtes bien sur la 25e. Tous les jeudis, 22h minuit, Dossé, la rue Serrazoire. Yeah. Hey. On se fait un resto entre amis de longue date. Ça fait un bail qu'on ne s'était pas revu. Plus de 20 piges de heps autour de la table. Aucun pistonné, aucun parvenu. Tous nés dans la décennie 80. Poussés dans les plus bas de chez Car Province. 45 000 Orleans, c'est la ville. Chez nous, on ne se plaint pas, on se dit que c'est la vie. Hey. Chacun son vécu propre, ses secrets et ses problèmes spécifiques. Des fils issus de familles très nombreuses, ou fils uniques de parents divorcés. Yeah, ça rigole au nez du proc, dans l'entreprise humaine c'est le déficit. La rue est traître et la vie est trompeuse, fait mal au cul comme sodomie forcée. Bang, balle dans la cabessa, j'apprends qu'un ancien vient de se désuicider. Il devait avoir ses raisons s'il a fait ça, chacun sa manière de gérer les soucis. Et toi, comment va ton petit frère? Il a pris cette pige en étant primaire. Pouah, quartier disciplinaire. Parfois la justice est sanguinaire. C'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc. C'est pas aussi simple, c'est rarement binaire. Y'a plein de trucs pour en expliquer d'autres, mais ce serait trop long, on va pas se la refaire. Et au fait, j'ai appris pour ton père. Je sais plus qui me l'a dit, je crois que c'était avant-hier. Je t'envoie ma sephore la plus sincère. Et que la terre lui soit légère, bien sûr. J'ai pas pu être là, à Salah Geneza. J'étais en plein show à Geneva. Mais je sais ce qu'on ressent quand plus rien ne va. S'il y a un bif à mettre et qu'on peut aider, dites-moi. C'est la mif, t'inquiète, entre nous on ne parle pas chinois. Hey, félicite ta petite sœur, elle a pas lâché, elle a eu ses diplômes. Et j'ai entendu qu'elle allait se marier avec le raclo qui tient le taxiphone. Ça se voit dans ses yeux qu'il est hnine et que c'est un mec bien, pas de serra qui chôme. Prévenez le gang pour le cortège, des lambeaux tout noirs, des Ferrari jaunes. C'est comme ça chez les jeunes de cité, complexe du pauvre dans toute sa splendeur. Le monde est à nous que dans nos teutés, vu l'extérieur, on est que des branleurs. Des sombres merdes insignifiantes, tout le temps dans la provoque et dans la défiance. Des êtres sujets à toutes sortes de défiances, ne provoquant qu'indignation et méfiance. Je regarde un pote et je me dis que sa dernière peine l'a un peu sonné, et que la réussite dans l'illégal n'est qu'une sorte de cadeau empoisonné. Vous vous rappelez quand on était petit, on se disait que jamais on vendrait de Toshi. On en a bibi et puis on s'est dit qu'au final jamais on vendrait de CC. Puis on l'a bibi, alors on s'est dit que jamais on toucherait au crack ni à l'héro. Les quelques limites qu'on avait, on les a sirotées à l'apéro, en recomptant quelques milliers d'euros. Fuck la Dacia Sandero, on veut la Maybach Accelero. C'est bien nous les anti-héros, les prolos ultra-libéraux. On a grandi de telle manière qu'on respecte moins celui qui pèse en principe qu'un gros enculé qui pèse en dinero. Sombres sont les idéaux, c'est ce que je retranscris dans certaines vidéos. Et je sens l'intrigue dans le regard d'un frérot qui me demande est-ce que après les clips ça part en gangbang, ou est-ce que j'y récupère quelques numéros. D'ailleurs où en sont tes amours, je lui dis RAS Eagle, je suis à la bourre. Toi j'espère que les marmots vont bien, la petite dernière c'est ton portrait craché. Ça me fait plaisir de voir que tu savoures, ça donne un peu de lumière à ta gueule cassée. J'ai croisé ton grand ref au PMU avec d'autres anciens des gloires déchus, tous éjectés de leur propre rareté par des petits qu'ils ont eux-mêmes placés dessus. L'ironie du soleil s'efface ici, la seule et unique règle dans la rue c'est qu'il n'y en a aucune, ça c'est sûr. Et je veux bien vous croire que c'est assez dur. Ça m'a fait plaisir de tous vous revoir. Quand je nous regarde, ce que je remarque, cette même envie d'être et d'avoir, même quitte à commettre l'inavouable, c'est soit ça, soit t'as plus qu'un. Niquer ta mère là, puis t'es rasseoir. Ça me rappelle combien la rue est rasoir. Ça c'était la petite blague ça. Ok, on a Edinho qui est avec nous aujourd'hui. Donc j'avais envie de passer un petit son. T'as un petit truc à nous dire Eddy? Attendez, il est en train de boire là. Il est en train de boire son petit oasis. Au calme. Yeah. Parle voir dans le micro. C'est bon là. Si. Edinho, voilà, je voulais passer un petit message. Edinho, c'est un mec de chez nous aussi. Un petit jeune qui est là, qui fait ses bails qui s'est proposé aussi pour venir des fois donner son avis dans l'émission. On a besoin de ça aussi. Donc, bienvenue entre guillemets dans l'équipe. Merci, Chao. Et puis, t'es le bienvenu, mon pote. On va on va te faire un petit big up. Je vais passer le Buzzac City épisode 2, évidemment. Ah, où t'es dessus, hein. Il y a Théo2S dessus. Il y a Théo2S, il y a Moufantres et il y a Kevoman. Kevo, ouais. My man. Si. Donc on fait péter, on est locaux, nous. On fait péter les watts. Si. Pour la maille, tu te couches tard, ouais, t'attires les envieux. La vise pas de me la mettre, je suis bien trop vicieux. Parti de rien, j'ai tout fait avec rien. Dédicace à menace qui a su nous mettre bien. M'attaquer à eux, des raisons, j'en ai plein. Range tes faux discours, arrête, et tes faux philippins. De ennemi, Greg, Z, Mathéo, fais le plein. Oh, il sur l'allée, ça va, il gère le frein. Capable du meilleur et du pire. Sur le Coran et la Bible, tout pour le gang, on s'était promis. All eyes on me, sur tous mes ennemis. Mais dis-moi que c'est pas la hesse là. Je vois les fils de riches bavaner en Vespa. Nos petits Vesky la bac pour revendre Red Bass. Si la fouille est banale, le contrôle. Le quartier s'était mis à l'ancienne, du LIM dans l'enceinte. Les grands prenaient des grosses peines, mettaient des gadgets. Enceinte rentre à la maison avec la haine. Nos dards, on mettait des feintes. Écoute ce son et je t'emmène dans mon histoire qui est repeinte. Au quartier, ils font les sereines, te disent qu'elles sont saintes. J'aime de te dire qu'elles qu'elles, mais se lâchent quand la lumière est éteinte. Moi, c'est Moufantres, tu me connais ma vie, je vais pas t'aider. Parler, insulte la maman, t'es mal barré. Quand je passe à son jour, je deviens taré. Bang! Ouh. Y'a un Joe qui se roule dans le golf. Tu sais que si j'échoue, je me relève. Si je fais un peu de sous, je les coffre. Que je claquerai sur la route de mes rêves. On se balade sur la ville, c'est le 25 000. Grammes sur la pesette, bang. Dans la merde, ça navigue, demande à Bills. Nos armes, c'est la démerde, Tu joues un rôle, on est au naturel. J'ai pas le lâche du ray. Tu sors plus H24, tu play. Nouvelle gênée qui s'écarte du réel. C'est comment ça fonctionne? C'est pas comme sur la console. Tu vas faire une course poursuite, mais y'a pas de Lester. Mets du son dans la caisse, Rios tu connais l'adresse. SHAO de 5 triple Z, ouais. Fumée épaisse dans la pièce. Bezak et moi c'est le click et le bang. On se complète comme le ying et le yang. Rios si je prends les devants, je vais leur montrer que je suis dans mon élément. Tellement. Je leur fais mal, ils font une gueule d'enterrement. Je suis bouillant à chaque événement. Oui. Ton rappeur part à l'entraînement. Oui. Rios on connaît les JS. Okay. J'accélère, je regarde pas la vitesse. Okay. Trahir mon rap pour ces vipères. Je serai jamais dans leurs critères. Je suis dans la neuseau pour faire du sale. Ou dans le queblo pour faire des tales. 2-3 Lokissa, des détails. Mignon au cloque, je suis prêt pour Hawaï. Transac sur Berize, les puces tu te soulèves. Gars de la tête chez nous, y'a pas de grève. J'ai dit gars de la tête chez nous, y'a pas de grève. Augmente le son des terres dans le gamos. Mes négros seront ratés comme Sergio Ramos. Yonkli m'appelle, non j'ai plus air. Désolé je suis en voyage d'affaires. Monsieur l'agent, quel est le problème? J'allume mon terre, il passera crème. J'allume mon terre, il passera crème. Ok. T'es toujours sur la 25e. Tous les jeudis soirs, 22h minuit, c'est la première. Il est 22h30 exactement. Dans un quart d'heure, il y a le studio qui va commencer à se remplir. Parce qu'à partir de 23h, ça va envoyer la purée, mon pote. Qu'est-ce que t'en dis, Juju? Pour la soirée de lancement, ça va être pas mal. Si. Et tous ces rappeurs-là. On attend ça. Ils vont mouiller le maillot, mouiller le micro. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez nous suivre sur Instagram. L'Instagram de l'émission, c'est émission la 25e, tout attaché, pas d'accent, rien du tout. Sinon, si vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez toujours vous rediriger vers mon... Vous pouvez toujours vous rediriger vers mon Instagram à moi. C'est Chao officiel, tout attaché. On a aussi un Facebook. Le Facebook, c'est Association la 25e. Vous pouvez aussi nous retrouver ici. Et si jamais il y a des gens qui passent aussi par mail, je pense notamment aux beatmakers qui peuvent nous envoyer des instrus pour les sessions freestyle, pour les jingles, parce qu'évidemment, on est très, très friands de ça. Parce qu'il faut dire que toutes les sessions freestyle et tous les jingles, pour ça, on va utiliser que des instrus faites par des beatmakers locaux. Yes. Donc, c'est bon à savoir ça aussi. On va promouvoir le talent bisontin. Rencontre-toi même. Ok, donc appel à tous les beatmakers. Si vous voulez passer par mail, si vous voulez nous envoyer vos trucs, vos maquettes, c'est assola25e@gmail.com. Surtout, n'hésitez pas. L'émission est là pour ça. Donc, si tu as envie qu'il y ait des mecs de ta ville qui rappent sur ton instru, eh ben, tu sais à quelle adresse nous trouver. Ok. Jounes. Yeah. Jounes. Avant de balancer un autre son local, dis-moi tout. Ce serait bien qu'on annonce un peu ce qu'on va faire dans les prochaines émissions. Yes. Parce qu'on est là, on papote, on raconte nos vies. Mais je crois que les gens, ils ont envie de savoir. Donc, je fais quoi? Je te laisse. Ah, t'es mort. Ok, il est en train de s'étouffer, le mec. Il est à la radio, il s'étouffe. Oh, calme. Donc, je vous explique. La 25e, ce sera tous les jeudis, Radio Sud 101.8. Radiosud.net, 22h, on prend l'antenne, de 22h à 23h, on fera des rubriques, donc il y aura des rubriques, voilà, un peu actualité, que ce soit rap, que ce soit, en fait, un petit peu tout ce qui touche au hip-hop, et surtout au local, donc s'il y a des événements, s'il y a des associations qui ont envie de venir nous parler, je sais pas, d'un futur événement, de quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus. Ok? Et à partir de 23h, pendant une heure, on aura, si tout se passe bien, un invité par soir. Donc, on va donner priorité aux mecs d'ici, aux locaux, évidemment. On va donner aussi priorité aux musiciens, aux artistes. Donc, des mecs qui pourront nous faire du live, évidemment. Mais aussi, s'il y a des beatmakers qui ont envie de venir nous parler de comment ils taffent, de nous faire écouter leur prod, il n'y a pas de souci, vous venez, la porte est grande ouverte. Et je pensais aussi à tous les mecs du coin qui, comme par exemple le studio L'Oiseau de Nuit, par exemple, il y aura peut-être aussi des mecs qui enregistrent aussi et qui ont besoin d'émissions comme la nôtre pour faire parler un petit peu d'eux, la porte est grande ouverte. Voilà ce que j'avais à dire. Jounès, est-ce que j'ai... Ah, j'ai oublié la chronique de Jojo. Ah oui, les deuxièmes jeudis du mois, RTZ viendra nous faire une petite chronique de 20 minutes d'actualité. Si. Donc vous en saurez plus dès la semaine prochaine, normalement. Donc dès la semaine prochaine, ma main Rizzo des puristes sera là pour apporter sa touche d'ancienneté, entre guillemets, à l'émission. Voilà, comme a dit Jounès, il prendra 20-30 minutes d'émission en ouverture. Il nous parlera de l'actu, ce qui se passe un peu en ce moment, etc. etc. Bon, je crois qu'on a tout dit là pour la suite. J'avais envie de balancer encore du son local. C'est la balistique. Tata, ça vient de sortir il y a quelques jours, là, le 25 janvier exactement, réalisé par Frère Gras, qui est un mec de chez nous aussi qui fait des bêtes de clips, qui va venir aussi ce soir filmer. Donc voilà, Jeff, Luffy, de la frappe, ça vient de chez nous, c'est la 25e. Écoute ça, mon pote. Yeah. Des rappeurs en coton, on freestyle, il bégaye, ramène toute ton équipe, voir qui va détaler. Y'a le fils super car ta soeur qui tape, la frappe, ta famille de Yankar, pourquoi tu fais le grossiste? Y'a la barre qui me contrôle, 2 grammes dans le poche, t'as rien demande si c'est bon, je réponds que c'est de la frappe. J'ai bien sûr que c'est de la frappe, bien sûr que c'est de la frappe. Ah putain là je suis trop énervé, t'es pas de l'équipe, tu niques ta mère. Bah les couilles si tu me trouves trop vulgaire, je fonce des sous BR et je me balade à tunique à l'air. Tu me dis que t'es chaud, t'en as pas l'air. Et le shit il s'effrite comme du pollen. Je veux qu'elle me fasse déplater de tes bouts de gel. Mon fantasme c'est quand tes bouches c'est grosses fesses. Elle a mis toi t'es un fils d'inceste. Si je vise le sommet personne peut m'arrêter. Je suis dans le vaisseau mère, je te laisse galérer à pied. Quand j'étais dans la merde est-ce que tu m'as aidé? Foutre le feu comme Johnny Hallyday. Faire du sale c'est un peu sale idée. Et un frère jamais je le salirai. Dans la haine on est tous solidaires. Plus que les restos du cœur. Dans ta chatte tu peux garder ton cœur, peu d'état d'âme si t'es dans le viseur. Dans la boisse on fait toutes les saisons, y'a de la frappe dans chacun de mes poches. Je te raconte pas, j'y étais présent, toi t'es une poucave qui part sur les gens. Je te raconte pas, j'y étais présent, toi t'es une poucave qui part sur les gens. Tata m'a dit non quand j'étais en bas du bâtiment. La brasse est fascinant, on débite vraiment trop facilement. Tata m'a dit non quand j'étais en bas du bâtiment. La brasse est fascinant, on débite vraiment trop facilement. Pour faire du hit, il faut du flou. Je casse tes lunettes, tu vois flou. Du vocab en baiser la rose. Tu cours, tu penses jouer, t'es fou. Une touffe de taf, je remplis mes poches. Un corps de corps, jeté du toit. Le four, il tourne des trous. Du bif, tu dois billet identique, qu'il soit sale ou propre. Fais pas le gâteau, monster, c'est une loque. Ça t'envoie au charbon, fais tes tiges. Réveillé par la stupa, 6 euros cloque au-dessus de vous. J'ai pas le vertige, je suis serein, pas d'âme factice. Cagoulé, pas de fantaisie. Glock à rote 5 quand tu plus 10, la moitié pour tes parésies. Si tu veux de la bonne, viens goûter ma résine. Dans les poumons, fumer de bédo toxique. Descente, ça rentre chez la voisine. On tient la zone comme El Chapo au Mexique. 2 ans après, j'ai pris 10 cm et je te calme. Fais pas le fou, tu vas descendre 10 étages. Ils t'aiment bien, ils détestent, c'est des fans. J'suis du lourd, pige, vends au pelage. Tata m'a dit non quand j'étais en bas du bâtiment. La brasse est fascinante, on débite vraiment trop facilement. Tata m'a dit non quand j'étais en bas du bâtiment. La brasse est fascinante. On débite vraiment trop facilement. C'était la balistique. Jounès, fais-nous une présentation, s'il te plaît. Alors, le son, le clip, là, il est sur YouTube. Vous tapez la balistique avec un K à la fin et c'est Tata. C'est un clip qui vient de sortir tout récemment, là, comme tu as dit tout à l'heure. Et là, on est à 2300 vues. Donc, on est pas mal. Bonne ambiance. Ça jump, c'est pas mal la balistique. Tata. Si. Bon, moi j'avais envie d'enchaîner encore avec d'autres sons. Bon, c'est pas forcément du local. Je vais vous passer du JOS, Josman. Pour la petite anecdote, il y a quelques temps, il était venu en concert ici, gratuit. Ouais, tu voulais dire quoi, Jeunesse? Non, vas-y. Donc Josman, ouais, il avait fait un concert gratuit aux rues, là, au Pont Cano. Tout le monde pouvait y aller. Il a retourné ça. Et aujourd'hui, il est en train de retourner le rap français. Donc j'avais envie de le passer. Tu voulais rajouter quelque chose, ma gueule? Ouais. Si on parle de rap, hein, on parle pas de musique alternative hein, qui se passe en ce moment. Rapologiquement parlant, c'est l'un des meilleurs albums de 2018. Si, avec celui d'Alpha One. Enfin, il est dans mon top 3. Quoi. Je suis d'accord, c'est une belle découverte, yes. Josman. Yes. Donc le son, c'est Insder, un T, c'est le soir quand tu rentres. Tu vois ce que je veux dire? Insder et un T. Exactement. Allez, let's go. Là sur les larmes que l'on verse, ah yeah. J'ai tout grindé, j'ai mis dans mon purse, ah yeah. J'ai l'œil, j'ai la vision, j'ai la vista, yeah. J'suis Alcia, mon blaze sur la liste, ah yeah. J'ai des refs qui coupent hache, à coup de hache, ah yeah. Faut que tu le saches, beaucoup de gush rempli de vaches, ah yeah. Main dans les poches, sous capuche, IT pêche, c'est la D, j'veux ma sacoche, rempli de gush, rempli de cash. Ni la Marlin Scott, ni Rocky, mais elle veut ma toffe, mon croquis. Le quotidien me tue, mais j'suis groggy. M'barre sous le soleil des tropiques, avec mon blé, avec ma bœuf, avec ma gosserie, mon croquis. Tout mon amour dans son body en doggy. J'ai pas dormi, j'ai qu'une barre. J'ai l'impression que je suis nulle part. Je me sens pas comme la plupart. Je vais m'isoler à plus tard. Je me fais un terre et un thé. Quand je rentre le soir et renté. Quand je rentre le soir esquinté. Je me fais un terre et un thé. J'ai pas dormi, j'ai qu'une barre. Je peux pas tomber plus bas. Gros, la douleur ne tue pas. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Tranquillement dans une tasse, vois une gorgée, je tire une taf, je me fais un ster et un thé. Yeah, imagine tout ce que j'ai dans le crâne, yeah, je décolle, je monte en grade, tout ce qu'on crame, ce qu'on en grame, yeah. Et s'il y a les stups, j'ai encore du stock, alors je roule un stick pendant qu'il mastique, personne ne me stoppe, c'est fantastique. Ah yeah, je suis à part, ah yeah, je veux ma part, je tire une part, t'es barbare, je veux le beurre, j'ai la. J'suis au charbon, j'fais le 3 ronds comme un de ces vendeurs de marrons. J'fume car le monde ne tourne pas rond. Un grand pardon à mes darons. Trop d'aigreur dans ma tête, j'pense aux erreurs qu'on a faites. Mais j'les ferai pas deux fois, pas le choix, pas le droit. J'roule un doobie pour maintenant, j'fume et j'oublie pour un temps. Juste un tout petit court instant. J'ai pas dormi, j'ai qu'une barre. J'ai l'impression que j'suis nulle part. J'me sens pas comme la plupart. J'vais m'isoler à plus tard. J'me fais un terre et un thé. Quand j'rentre le soir et rentré. Soir esquinté, je me fais un terre et un thé. J'ai pas dormi, j'ai qu'une part. Mais je peux pas tomber plus bas. Gros, la douleur ne tue pas. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Tranquillement dans une tasse, je vois une gorgée, je tire une taf. Je me fais un terre et un thé. Yeah, c'était Josman. Un SDR et un T. Un son relax. Un son relax, lourdeur quand même, lourdeur. Hein. Oui. Moi j'aime bien ce mood-là. Et ouais, tu voulais dire quelque chose? Yes. Là, avant la session freestyle, j'ai choisi un petit son là que je veux faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas. Mais c'est un son de S2E, X25 Bunker, puriste. C'est Je rappe à part. C'est un son à savourer, à écouter. Avec les oreilles. Hey, big up S2, si tu nous écoutes. Si. Alors, c'est quoi? C'est juste un style libre. S2 pour l'homicide. Y'a quoi? C'est juste un style libre. S2 pour l'homicide. Y'a quoi? C'est juste un style libre. S2E. S2Z pour l'homicide. Je rappe à part, c'est costaud, pas de la barbe à papa. Tu veux chanter, taratata, c'est pas datatatarte. Des rimes en putain de tas, pour patater, c'est pas toto, ni pididi. Je fais pas dodo, moi je gratte la feuille et pas d'aidé. Dans mon groupe, pas d'ado, ça vient du doux, c'est pas de la dope. Département 25, c'est juste avant la drogue, t'en parles à d'autres. Tu veux marier mes rimes et tu prépares la dot. Au l'heure du monde, t'es pas la note, ça sert à rien comme un gros pull en août. C'est pas ta trempe, attends, ma bande de combattants, tous ces patents, toi c'est pas tôt, j'ai fait l'instru, tu sais pas trop. Eh, hey, balance la sauce, ils prennent mon rap pour un distributeur. Tu veux stopper, tu seras bloqué comme rue de Dole à 18h. Alors, tu veux rivaliser, mais qu'est-ce t'attends? Toi t'as toujours les mains dans le dos, comme la statue du combattant. T'as la frustrée, le maire c'est moi plus frustré. Le rap c'est mon addiction, m'en veux pas si je t'y soustrais. J'aime pas ton discours et ta pensée comme un Saint-Clair. J'ignore, toi t'es trop classique, comme t'as retrouvé place Saint-Pierre. Je vais être 5, pas recul de 5, pas au mot peut rater comme s'il avait 5 bras. Tu kiffes passer ta vie, les gros taillants en V. J'dis pas ta vue, t'as observé, du haut de mon rap, t'as observé la vue. J'suis pas romain, mais pour t'incliner, tu peux dire à V. J'travaille dans ma province, on est fatigué du rap délavé. Au ciné trop navé, on finit trop navé. Me servent à ça, gris paquet de soupe, t'imagines un peu la taille du potager. Laisse faire les miens, on gère, le stylo lourd, la main légère. Une grosse pensée pour Yas, Marcus et Fab, nos frères qui comptent les jours. J'ai une question, en toute indiscrétion, dépression, oppression, répression. À quand la friction, coup de pression, réfléchir était taxé de révisionniste. Éloigner les oreilles d'enfants, j'crois faut qu'on encule les sionistes. Insolite, j'avance d'un pas comme un soliste. Mon rap a l'air insolide et rien passe pour des Solex. La France est suspecte, comme toi avec ta femme russe. T'as 50 et la 18, soit 3 fois moins que ton ex. J'rappe à part et ça c'est rare, c'est comme par les papous. Ça passe par les papis, pour les puristes qui passent pour des papis. T'es bienvenu, même si t'es sans passeport, sans papier. La force de l'homme est dans son cœur, j'ai dans la main l'autre est armé. J'rappe à part, c'est costaud, pas de la barbe à papa. Tu veux chanter? Taratata, c'est pas de la tatata. J'rappe à part et ça c'est rare, c'est comme par les papous. Ça passe par les papis, pour les puristes qui passent pour des papis. Yo c'est S2, c'est pour ça que beu. Excusez du peu, la bonne odeur c'est comme un sac de bœuf. Pas de second du peu, c'est pas des rimes, ça c'est du plomb. C'est signé homicide, 25 bunkers, poto ça c'est du bon. Yo c'est S2, c'est pour ça que beu. Excusez du peu, la bonne odeur c'est comme un sac de bœuf. Pas de second du peu, c'est pas des rimes, ça c'est du plomb. C'est signé homicide, 25 bunkers, poto ça c'est du bon. 25 cœur, boum, tic, tic. Mon rap est le fruit de mon travail, hey. Mon rap est le fruit de mon travail. Mais ça n'a rien d'une banane. C'est la cerise sur le bateau. Viens, je t'emmène en balade. 25, cœur, boum, clic, clic. Ni dans le moule, ni dans le mal. Moi je tape dans le mille. C'est la rime qui touche pour un couple et qui tâche. Couple et qui tâche. C'est la rime qui touche pour un couple et qui tâche. Couple et qui tâche. Ça va pas te plaire si tu croyais pas te perdre. La naïveté c'est démodé, c'est comme un pas d'F. Tu veux nager jusqu'à la côte mais y'a pas de berge. Même avec tout l'or du monde finira sous un tas de terre. Tous des passages on est des colocataires. Ceux qui les déclenchent sont à l'abri en cas de guerre. Ils s'en inquiètent guère, blindés comme un quai de gare. Font affaire au Qatar, te butent avec terre. Police, les chaînes d'état, scamos, tubes, moi j'plane. Et c'est la bière, le foot et Johnny Hallyday qui réunit les foules, garde Hallyday, Hallyday. Ça me gêne aussi, tout ça pleurer les Didi, mais ils oreillaient des génocides. Les Indiens n'ont pas d'Israël, demain on sera hal pour écrire nos sales haines. Police, les chiens de l'État, scamos, tubes, moi j'plane. J'arrive en Delta, plane au sud, on se tape la nocturne, concocte un hectare. J'écris la vérité, ça fera pas ma fortune. Pour mes refs, mes reufs, la tête haute, qu'aide les autres à la relever, hey, qu'on boycotte. Ils vont dire que j'incite à la haine, mais je travaille pour la paix. On me dit que ça vaut pas la peine, fais des études pour un travail qui paie. Rentre dans le moule, prends ta carte UMP. C'est la rime qui touche pour un couple et qui tâche. Les langues fourchent sur les sujets qui fâchent. C'est la rime qui touche pour un couple et qui tâche. Les langues fourchent sur les sujets qui fâchent. C'est la rime qui touche pour un couple et qui tâche. Les langues fourchent sur les sujets qui fâchent. C'est la rime qui touche pour un couple et qui tâche. Les langues fourchent sur les sujets qui fâchent. H-H-Hip-Hop, ta page qui dope, ta rage au top. La masse qui dort, qui dordine. mais qui se dandine sans jean sera digne dans leur cantine de jet set. On bouillonne, nos colères ont un effet de serre. Pousse en flèche avec un tas d'épines de la taille des pertes. On les grille comme un mec avec la baïonnée. Je voulais parler à l'histoire, mais elle est baïonnée. Au bout de la baïonnette, je me sens la pression comme un baromètre. Donner des paronnettes plutôt que de mettre des barres aux fenêtres. Des dizaines d'années de propagande fausse. Moi je fais des forages, même à la main, j'aurai mon gain de cause. Essoufflé comme en plus de course. Je me donne un fond comme si j'étais coursé par un ours, y'a rien de rose. La vie m'a dit, je serai sombre dès que tu nais. Tu feras du vrai, pas des merdes dans ton tunnel. Sors de ton tunnel, les sentinelles veillent. Mais rêve pas du confort de la retraite de Nedved. Écoute les autres, ça veut pas dire croisi. La vie t'offre beaucoup de choses, ça veut pas dire voici. C'est à toi d'attaquer, quel terrain t'as tâté. C'est à ta gloire d'apporter le nom balisé. Avant d'être harassé ou amer comme un homme à sa terre arrachée. Ma grammaire arrochée, je m'y accroche, rêve pas d'empocher. On n'attend pas de médaille de ce qu'on veut en projet. Tu veux mon projet, fais de la place chez toi. On déplace les montagnes pour faire de l'ombre chez Tan. Police, politique, police, police, politique, politique, politique, politique, police. Les chaînes d'état comme au sud, moi je plane. J'arrive en delta plane au sud. DJ Master. On n'attend pas de médaille de ce qu'on veut embrocher. C'est la rime qui touche pour un couple qui tâche. Les langues fourchent sur les sujets qui fâchent. C'est la rime qui touche pour un couple qui tâche. Les langues fourchent sur les sujets qui fâchent. C'est la rime qui touche pour un couple qui tâche. Les langues fourchent sur les sujets qui fâchent. C'est la rime qui touche pour un couple qui tâche. Les langues fourchent sur les sujets qui fâchent. Les sujets qui fâchent. Les langues fourchent sur les sujets qui fâchent. Les langues fourchent sur les sujets qui fâchent. Les langues fourchent sur les sujets qui fâchent. Les langues fourchent sur les sujets qui fâchent. Qui sont les résistants d'aujourd'hui? Ce ne sont pas les Américains, ce sont pas ceux qui prennent un occidentalisme puriste de 5 bunkers. Sujet qui fâche, S2E, DJ Masta, puriste. Et on enchaîne. Rien à voir, on va enchaîner sur du quecra, ma gueule. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du pice. Élevé au rice, couscous si on clive le price. Épée les dice, fuck la chance, on fait ça nice. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du pice. Tellement de vice, tellement de vice. J'ai le cœur qui devient du pice. Élevé au rice, couscous si on clive le price. Épée les dice, fuck la chance, on fait ça nice. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du pice. Je vois des vampires venir à 25 miles. Fuck you, girls. J'suis là pour la caillasse. Bitch, me place. Au-dessus, j'veux mon palace. Neuf de nice, un peu comme William Gallus. Qui sont-ils? Dites-moi où sont-ils? J'tire comme je vis, tout droit dans le mur. Et je slide, tout seul dans la night. Oui, je ride, comme Vince Hubert et Side. J'ai le cœur qui devient du ice. Élevé au rice, couscous si on clive le price. Pipé les dice, fuck la chance, on fait ça nice. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du ice. Tellement de vice, tellement de vice. J'ai le cœur qui devient du ice. Élevé au rice, couscous si on clive le price. Pipé les dice, fuck la chance, on fait ça nice. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du ice. J'ai plus le time. Skipper the line, masque ganté pour le crime. J'écris mes rhymes. Tu suces tes bites et les trahis juste pour le shine. Tellement la dalle, je ne fais qu'écouter quand c'est l'estomac qui me parle. La boule à maille, original, personne n'est à ma taille. Bitch, c'est triste, bitch, c'est tellement triste. Ils ouvrent leur string, sauf quand ça parle le stream. Je suis une petite poucave qui chiale pendant la cave. Joue-moi les braves, une fois qu'ils sont séquestrés dans la cave. J'ai le cœur qui devient du ice. Élevé au rice, couscous si on clive le price. Pipé les dice, fuck la chance, on fait ça nice. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du ice. Tellement de vice, tellement de vice. J'ai le cœur qui devient du ice. La 25ème, la 25ème, la 25ème. Pipé les dice, fuck la chance, on fait ça nice. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du ice. Yeah, yeah. T'es toujours sur la 25e, tous les jeudis, 22h minuit, Chao Jounes. Yeah, sur 101.8, Radio Sud. Point net. Yeah. Exactement, c'est ça, c'est ça. Ah là, le studio qui commence à se... Le studio commence à se remplir, petit à petit. Yeah. Les mecs sont en train d'arriver. Il est 22h55. Yeah, yeah, yeah. À partir de 23h, on va commencer à passer des prods. Pour les mecs, ils vont passer, ils vont écouter. Voilà, on inaugure. On va dire que on va le faire comme si on était dehors, tu vois. On va mettre des instrus. Celui qui kiffe, il kick. Celui qui kiffe pas, ben il attend, il passe son casque à l'autre. Là, il y a au moins, je crois, j'ai compté au moins 6 books qui attendaient, tu vois, dehors. Que des mecs qui sont là pour kicker. Donc voilà quoi, on va faire tourner ça tranquille. Yeah. En attendant, est-ce qu'on passe un autre son? En attendant que tout le monde arrive, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu avais un son à mettre? Parce que moi, j'en ai, hein, sinon. Tu veux nous mettre quoi? Dis-moi. Ouais, je voulais mettre SCH Auto. Ouais, wow. Vas-y, allons-y, hein, ça reste... Apparemment, t'es pas d'accord. C'est un gros... Ok, bon, bah, je vais mettre Duvald, alors. Non, mais allons-y. Je vais mettre Beflan, mon pote. Et là, je vais te mettre d'accord. Let's go. Ok, ah. Vald, VALD, Beflan, en attendant que tout le monde arrive. En attendant que tout le monde arrive, ça se pousse, ça se bouscule. Ça se bouscule dans les studios, ça se bouscule dans les studios. Si, si, ça arrive fort. Frère, tu sens la ch'touf, comme un clébard de douanier, la patte dans la foule. Plus d'un milliard de doigtés, juste là dans la foule. Jamais sans amour, comme j'ai plus d'un tour. Toutes ces putains courent, tellement de flow, alors que j'ai juste bu un coup. Hey, j'béflant trop, j'dépose que du violet sur un boule. J'béflant trop, j'ai le démon. J'en prends trop, j'fais deux démons. En même temps, j'suis dans deux démons. La tête entre deux tétons. Toujours un œil sur les comptes, toujours une main sur les couilles. Les vrais refrains, on les compte, et les autres comptent mes couilles. Plus de selfie, plus de temps, je peux pas rouiller sur le banc. Quand je sais pas, je dis sûrement, donc ton Macron sûrement. T'es comme Van Damme sur le ring, tu fais le grand écart sur demande. J'aime ça que tu sois soumis, j'aime ça que tu sois sur le ventre. Plus de sourires, plus de ventre, plus de groupies, plus de chambres. Plus de goupilles, plus de tank, plus de roupies, plus de sang. J'en veux pas trop justement, tu peux me sucer juste le gland. Instinctivement je brûle le chanvre, ça étouffe les hurlements. Des experts en magie noire, essaie d'arrêter mes balles. Je trouve tout à haut Paris Nord, nique sa mère Châtelet les Halles. Gros j'ai pété ton briquet, pour t'éclat un céréal. Si ta vie est compliquée, c'est qu'une putain cérébrale. Nique sa grand-mère le score, tant que je fais plus ça m'est égal. Nique sa grand-mère le sport, tant que je les baise et que je les régale. Nique ta grand-mère de force, si tu jacques comme une pédale. Jamais le bon nombre de pétales, toujours le bon nombre de pétards. On est toujours là sur la 25e. Je pense que vous entendez derrière moi, il y a du monde qui est arrivé. Ça est arrivé fort d'un coup. Jounes. Ouais. Bon, toi qui est plus ou moins actif, inactif, est-ce que tu peux me dire un peu qui est là? Qui est là? Qui est là? Alors là, je vais commencer par la droite. Les gars, je vais allumer tous les micros. Donc si on a. Qui ont envie d'intervenir, ils peuvent intervenir. Venez même, déjà levez-vous là, les petits malades là, allez on se lève, je vais me lever avec vous même. Donc il y a un radiateur dans le studio, les gars ils sont crus en salle d'études, ils sont mis contre le radiateur. Venez par ici, venez par là, allez-vous, venez okay. Par là. Donc ouais. Ça c'était Gore. Ça c'est Gore. Vous avez reconnu le ouais de Gore. Gore l'infatigable. Ouais, je vais faire les présentations. Il a bon. 15 000 vies, Gore. Chacal, on le laisse là, il rave jusqu'à demain matin. Là, il y a Edinho, comme on vous a dit. Edinho, Théo 2S. Il y a même frère Gras qui est venu. Il est venu regarder un petit coup. Gore, la balistique, Sapologue, EDRF, Sinza. J'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié personne. Les gars, vous rappez, vous êtes comme ça en plus. Il y a Seisei. Ajoutez-le sur son Insta. Tout ça.